Bonjour à toutes et bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez la 292e émission de Goodbye Kevin, présentée par Pierrot. Et par Léna. Bonjour Léna. Bonjour Pierrot, comment vas-tu ? Super, super. Qu'est-ce que tu nous as prévu de beau au programme aujourd'hui ? Tac au tac. Voilà, du tac au tac. Pas le temps de te demander la météo, tout ça, comment ça va. Écoute, allons... Allons-y, allons-y, on s'en fout de la météo. Du sujet. On s'est bien parlé au-dessus, là. C'est vrai. Alors, ce qu'il ne faut pas faire dans une émission. C'est ça, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, cette semaine, de mon côté, l'Australie sera à l'honneur, que ça soit par ses artistes, que l'on va écouter, son territoire qu'on va explorer, ou tout simplement ses labels. Oh là là. Ouais. On ira également écouter un Écossais qui s'est expatrié au Danemark, et on finira par des Belges qui sont devenus des internationaux. Je crois que j'ai vu un peu. Ah, tu ouais. Sais. Je sais, je suis un peu jalouse parce que je prévoyais de le passer, enfin, pas ce morceau-là, mais voilà. Petit teasing. Ça se trouve, il passera pas cette semaine, on sait pas. Ah oui, mais bon, non, je vais te le laisser. Moi, de mon côté, on aura du rock fusil nonchalant de Melbourne, justement, l'Australie. Mais c'est mon seul stop en Australie, parce qu'après, on aura du post-punk anguleux de Philadelphie. On aura aussi, je vais vous présenter un collectif d'art punk de Montréal. Ensuite, on écoutera du jazz un peu pop à la française. Et pour terminer, on aura un mix lituanien entre New Wave des années 80 et Electro des années 2000. Ce que j'étais censée vous passer la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps. Je crois que ça fait 2 ou 3 semaines que je n'ai pas le temps de le passer. On n'a pas le temps. Notre esprit est ailleurs. Et ben, on va commencer avec... des professionnels de l'adolescence, les Proteins, qui est un groupe énigmatique instrumental de Melbourne. Et dans leur album, le dernier album, leur dernière sortie qui s'appelle MFTIN, Your Concurrent in the Above is Assumed. Et vous lirez, si vous n'avez pas cet accent, vous lirez, mais Léna l'apprécie puisqu'il l'a fait rire. En tout cas, à travers cet album, ils rendent hommage au regretté grand rappeur MF Doom. Ah oui. Et on en parle beaucoup en ce moment. Oui, bah parce qu'il y a beaucoup d'albums de lui qui sont réédités. Ouais. Il y a peut-être c'est l'anniversaire aussi de sa mort, je ne sais pas. Et donc, bah, ils ont réimaginé 14 morceaux emblématiques à travers une lentille soul cinématographique. Oh, trop cool. Et qui c'est qu'on retrouve ? Qui c'est qu'on retrouve derrière les Proteins ? Et bah, on retrouve Hudson Willock. Ce nom vous dit rien, mais en fait, c'est le batteur et percussionniste prolifique des Surprise Chef ou encore Karate Boogaloo. Les Surprise Chef, ils sont australiens ? Pas du tout. Si, si, ils sont australiens. Ah bon ? Si, si. Bah tiens. Et donc, Proteins, c'est un collectif d'instrumentalistes qui est basé à Melbourne et spécialisé dans la soul instrumentalisée plutôt décalée. Ok. Et donc, ma foi, cet album est très très chouette. Il est sorti chez College of Knowledge Records, label où on retrouve les Karate Boogaloo notamment. Et on va écouter deux morceaux assez courts mais assez efficaces. Si vous êtes un MC, vous pouvez rapper dessus, mais on va écouter The Gas Face et Sofa King des Proteins. Les Proteins avec leur album hommage à MF Doom. Eh bien, on reste en Australie, mais on part dans un style radicalement différent avec Jade Imagine, à la française, ou Jade Imagine, à l'australienne. Bref, eux, ils viennent de Melbourne. Je sais pas, j'ai pas très bien compris s'ils étaient 3 ou 4, mais il y a un délire là-dedans. Ils sont 3 sur les photos, ils sont 4 apparemment. Toujours est-il qu'ils sont menés par la fondatrice et frontwoman Jade McInally. Et ça depuis une dizaine d'années maintenant. Si je ne m'abuse, leur premier single était sorti en 2016. Alors qu'est-ce qu'ils font eux? Eh ben j'ai, alors figure-toi que j'ai pu lire qu'ils étaient classés du côté de la synthwave et de l'art rock, mais moi je suis pas du tout d'accord. Non. En tout cas pour la partie synthwave. Alors peut-être que ça a pu être vrai par le passé parce que j'ai pas écouté toute leur discographie. Mais leur dernier single, je le trouve pas du tout synthwave. Je trouve que c'est plutôt rock. Assez psyché, t'as des guitares fuzzy, un peu saturées, et j'irais même jusqu'à dire crotrock sur la fin, parce que t'as un côté assez répétitif, assez hypnotique sur la dernière partie du morceau. Bref, moi j'ai trouvé ça très très cool. Leur dernier single, pardon, il est sorti en février dernier sur le label Remote Control Records, qui est un très gros label qui héberge quand même pas mal d'artistes. T'as Ardus Alding dessus. Ouais. Courtney Barnett, t'as oui. Donny Bennett, t'as beaucoup de monde qui sont passés dessus. FK Twigs là, il y a pas longtemps. Je sais pas comment on prononce. Si si si, moi j'arrive, je te comprends. Pardon. Enfin voilà. Bon bref, en tout cas il y en a quand même pas mal, donc c'est assez pointu. Et ce single, il fait suite à leur deuxième album qui était sorti en 2022, et peut-être qu'il annonce l'arrivée imminente d'un troisième album. Je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont rien annoncé, pour l'instant. Je vous laisse sur cette question en suspens. Et nous, on va écouter tout de suite leur single qui s'appelle Hot Bass. How I float on the train, everything has faded away. C'était Jade Imagine avec le morceau Hot Bass. Et ben de mon côté, on retourne en Australie avec Kenyu Nelson. On y reste. Qui est un artiste Lurija, originaire de Papunya, région Warumpi, une ville située à 250 km au nord-ouest d'Alice Springs. Alors très avec bien. Tout alors, ça, c'est... plein d'infos, mais on ne sait pas où c'est. Et ben, ça reste en Australie, mais c'est dans le territoire nord de l'Australie. Et donc, qui est cet artiste ? Cet artiste, il a été fortement influencé par les sonorités de chez lui, quoi, locales, par le reggae de Lucky Dub, que j'ai écouté en préparant cette émission, et par le groupe de rock Warumpi Band. C'est du rock australien, mais c'est très chouette. Du coup, j'ai découvert ces deux groupes. Et j'ai découvert mec... ces deux groupes. Elle se fout de moi, non. Le micro ouvert. Pardon. Et donc, en écoutant cette musique, toutes ces influences musicales, il a commencé à écrire des chansons sur le thème de la famille, de la solitude et du désir. Et en 2022, ce personnage, Kenyu, il rencontre un producteur de Sydney. Et ensemble, qui habitait dans le coin, hein, ils habitaient tout près, ils ont commencé à enregistrer des chansons qui ont finalement donné naissance à l'album Willara Rakutu. C'est pas facile à dire. Il fait partie il a des origines aborigènes, hein, ouais. Kenyu, et donc ça parle beaucoup de aussi ses sons et cette ambiance et cette influence des sons un peu plus modernes. Et c'est une sorte d'ovni, mais pas tant, parce qu'il y a des côtés assez pop et tu le ressens, hein, quand il évoque qu'il écoute le Lucky Dub, on le ressent dans ses sons. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement, comme t'avais écouté et tout. Ouais, tu ressens un peu, mais sans que ça ressemble, c'est juste dans la façon de chanter, dans le côté un peu dansant ou je sais pas. En tout cas, cet album, il a été édité une première fois, il a été réédité par Mississippi Records, qui est spécialiste du blues, mais également spécialiste d'Arte. Et là, vient tout juste de sortir, mardi dernier, un single de Kenyu Nelson, et c'est ça qu'on va écouter, qui s'appelle « Place Where I Go ». Et qui va sortir sur un autre label australien, Efficient Space. Un label que j'adore. Et c'est un label qui est dénicheur de rareté. Que ce soit des vieilleries pas trouvées, de remettre au goût du jour, par exemple, du post-punk des années 80 australien. Ou des nouveaux talents, comme ce bon Kenyu Nelson. Donc tout de suite, on l'écoute, Place Where I Go. Il y a un côté Caution Curves dans ce qu'il fait. C'est très chouette. Where I belong, place where I go. Kenyu Nelson avec le morceau Place Where I Go. Ça va être un single qui va sortir en vinyle et qui sortira en avril. Ouais, bah très chouette, j'ai bien aimé. Il y a un côté dansant mais doux. Enfin, en fait, ça te donne envie de danser quand même, mais alors que c'est super calme. Ouais, ouais, c'est assez rigolo. C'est bien que tu aies eu cette impression-là, puisque j'ai eu la même. Oui, c'est ce que tu disais et tout, et j'ai vraiment tiqué du coup. Je partage ton sentiment. Allez, ensuite. Ensuite, on va écouter Phib. Il me semble que je vous ai déjà parlé de ce groupe. C'est un groupe de post-punk, un peu anguleux, on va dire ça comme ça. Un peu hard-punk aussi. C'était en 2021. À l'époque, ils avaient sorti leur première démo éponyme au format cassette, si je me souviens bien. Et ils étaient basés à Portland. Depuis, ils ont déménagé à Philadelphie. Ils ont signé sur le label Julia's War Recording, qui n'est autre que le label fondé par Douglas Dulgarian, qui est Douglas Dulgarian. Je vous en ai parlé la saison dernière, par rapport à sa formation They Are Getting a Body of Water. Je ne sais pas si ça te parle. Je m'en souviens plus. Espèce de truc un peu weirdo et tout, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours aussi beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais peut-être aller écouter s'ils n'ont pas ressorti des nouveautés. Bref, ils ont annoncé la sortie de leur premier vrai album studio, premier album studio, tout simplement, parce que le précédent, c'était quand même un premier album. Et donc cet album, ça s'appellera Heavy Lifting. Et nous, on va écouter le premier extrait sorti également en février dernier et qui est le morceau d'ouverture de cet album à venir. Donc le morceau, il s'appelle Mutuals et c'est Phib. It's all you've got. C'était Phoebe avec le morceau Mutuals. Je l'ai pas dit, mais il y a un petit côté matrock que j'aime bien aussi. Le matrock, c'est pas pour toutes les oreilles, mais là, ça va, je trouve que c'est léger. Non, ouais, c'est... Ok, super répondant. Tu m'as pas laissé finir. Vas-y, qu'est-ce que t'allais dire? Eh ben, c'est cool. Non, j'allais confirmer, effectivement, que c'était pas trop... Trop marqué. Ouais, pas trop, hein. Voilà. Allez. Tout est dit sur ces belles paroles. Enchaînons avec Ali Omar. Ali Omar. Qui... Il vient d'Australie. Non. Pas du tout. Pas du tout. Qui est-il? D'où vient-il? Eh bien, Ali Omar, il est issu d'une famille de 10 enfants de la classe ouvrière de Liverpool. Ok. C'est un Anglais. Et il a été profondément influencé par l'héritage arabe de son père. Et qui a été un fil conducteur tout au long de sa vie et de ses origines musicales. Après des études d'art et une brève tournée des boîtes de nuit durant l'âge d'or de Manchester, il s'installe à Sydney. Ah, voilà. Ah. On arrive en Australie. Il cofonde un duo avec son compatriote expatrié britannique Andy Fitzgerald. Et du coup, il fait de la musique. Et ensuite, il devient MC, où il s'infiltre dans les circuits house, dub, jungle et bass, jungle bass de la ville. Et il devient un habitué d'un bar qui doit être célèbre à Sydney, Bentley Bar. Ok. Je connais pas. il fait ses talents de chanteur. Donc voilà, la présentation du bonhomme. Ok. Et Efficient Space, ah bah tiens, label australien, lui rend hommage avec Hashish Hit, j'ai bien dit Hashish, qui est une sélection posthume de sa discographie qui était autoproduite. Ah avec... parce qu'il est décédé du coup, Tom. Tout à fait. Oh là là. Tout à fait. Discographie qui était aux influences plutôt dub, downbeat et breakbeat. Ça va me plaire, ma foi, ça. C'est une super Nintendo, une super sélection. C'est une super. Donc on va écouter le morceau Hashish de Ali Omar, sorti sur Efficient Space et sur la compile Hashish Hits. Thank you. Ali Omar avec le morceau Hashish. C'est chouette, ça m'a donné envie d'écouter la compile et puis même d'écouter un petit peu plus ce que lui il a fait en dehors de cette compile. Voilà. Donc, well done. Well done. Well done, Pierrot. On enchaîne avec La Sécurité, qui est un collectif d'art punk basé à Montréal. Je vous en ai peut-être déjà parlé ici, je ne me souviens pas. I'm sorry, so sorry si c'est le cas. Donc, collectif qui s'est formé en 2020 pendant le Covid. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ses membres ne pouvaient pas jouer avec leurs groupes respectifs, du coup. Et ils devaient peut-être être en coloc, je ne sais pas. On y retrouve des membres de Jésus les filles, de Choses sauvages, de Punk Explosion et de Vanille, entre autres, pour citer que sur cette scène-là un peu montréalaise. Et en 2023, ils sortent leur premier album, Stay Safe, chez Motland, qui est un très chouette label aussi, avant de partir en tournée aux États-Unis avec The Go Team. J'avais oublié de marquer les États-Unis. Les États-Unis. Avec The Go Team. Voilà, je trouve ça assez cool. Avec The Go Team. Bah ouais, en plus, surtout qu'il y a un point d'exclamation entre le Go et le Team, donc... peut-être ça qui m'a fait un peu bugger. Bref, depuis, ils ont sorti 2 singles autoproduits. Nous, on va écouter le dernier qui est sorti en janvier de cette année et qui s'appelle Ketchup. C'est très très bien, hein, j'aime beaucoup. La Sécurité. C'est ça. Ça va, Pierrot ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Tu sais quoi ? Eux, et je me suis dit quand j'ai écouté, c'est marrant parce qu'ils auraient pu être sortis sur le label Oktoberton, tu sais, de Strasbourg, là où t'as Théo Clou, T/O, là, tu vois ? Bang Bang, Coq Coq, tu vois pas ? Si, je vois ma troc. Ouais, non. Bon, bref, d'ailleurs, ce petit label, il est un peu en galère financièrement parlant. Et je crois qu'il y a une campagne de crowdfunding, si vous voulez tout savoir. Voilà. Si vous avez des sous à dépenser, vous pouvez aller les dépenser là-bas, parce que ça leur permettrait, il faut quand même tourner pas mal d'artistes, et puis ils ont des petits salariés, voilà. Si ça vous a plu, vous soutenez-les, ouais. Bah, tout à fait, en allant dans les concerts, en achetant... C'est ça, leur vinyle. Voilà. On part dans une autre ambiance, une autre atmosphère, une ambiance d'exploration sonore avec Fergus Jones et son premier album Ephemera. Fergus Jones est un artiste anciennement connu sous le nom de Perco, je ne connaissais pas du tout, qui est un producteur, DJ et fondateur du label Felt. Et donc il est né à Édimbourg et basé à Copenhague. C'est lui l'expat que j'expliquais dans mon intro. Et donc c'est un album de 9 titres qui est le fruit d'une collaboration avec beaucoup de musiciens que pareil je connaissais pas du tout, comme Werkos, James Kay ou Corey Lace. Et donc cet album il explore son parcours personnel et sonore, ça c'est très important. C'est vraiment un album qui est un peu perturbant parce que tu saurais pas savoir dans quel style le mettre, parce qu'à un moment il y a un peu de rap, il y a un peu de... Il y a du dub, il y a une bonne base d'ambiance. Et donc c'est ça qui est intéressant sur cet album, avec même un côté trip-hop, avec des voix plutôt, je sais pas, rêveuses. Mmh. Donc nous on va écouter 2 morceaux, on va écouter Emma, qui est plutôt trip-hop dans mes souvenirs, et Ty Neat, qui lui est plutôt un rap. Yo. Fergus Jones, avec 2 extraits de son album Ephemera, sorti sur le label Numbers. Thank you. moon on the tide. And should I let them out from time to time? Well, that's something that I'm still trying to decide. Cause if I do, I gotta ask myself, am I in the driver's seat or am I just along for the ride? Real talk, cause what I'm talking about is real life. Yeah, I'll describe some of the events that shaped me, sure, but I'll leave the details implied. Can't have my thoughts and my actions clanging, nah, fuck that. Gotta keep them rhythms in time. Just the utterings of another raver, with a hunger for another serotonin incline. Havana Club exaggerating my behaviour as I swing the ice round the glass like a wind chime. Ask no questions, the answer gon' remain the same. Silence said it all and I ain't the type for saying names. Middle of the night when the day came, not test possession but no one wanna lay claim. It's like the whole city vacate. Yeah, we were soaring through like orphan bars. Two was more like awkward words, lines were getting awful blood. Man, it's whiskey over incense. Light through the cracks was getting intense. All them rules were dead then. Sip Guinness to cement what we said meant. Toasting ghosts with quotables. You seen this guidance made the best path. Head to toe in all black, trying to balance out a colour past. The block was like a monolith. I broke a couple bones, but I always kept my promises. Focus on my breathing. Now shelter in the place we hide. Scars were for the keeping. Still ain't sleeping, but the dream's alive. Don't know why I find the moon so captivating, but I swear there's something inside me. It's activating. Distracted from my current situation, only for a minute, I've got other arrangements. One step at a time, my body drifts across the pavement. Cautious, cause when you're at the race, it's never back the favourite. And if you really want it, then you gotta chase it. I met one of my demons, destroyed and replaced it. But if I had a quid for every time I felt like this, I probably wouldn't hold a bottle with such a tight grip. Walked in them shoes there, they didn't quite fit. Now everyone I'm walking with is tight knit. White knitted shirt, black denim jacket. They tried to hit me where it hurt, but it didn't work. Too busy searching for signs I ain't ever heard. And that's what I'm gonna do from now until I'm in the dirt. Man, I'll be grinding till I'm dead and buried. When they weigh my heart, I hold that feather heavy. Know the toll, can you pay the levy? The glass was neither full nor empty. It's just a question of perspective. How many miles I saw stepped in, lost count of the shadows that I crept in. Liquor went quicker than the ice could freeze bags under. Eyes wide, kisses bitter like valerian root. No rest for the wicked man, I know that's the truth. Shadow theater storylines, reflecting a restless mind. Check the measures in these desperate times. Yeah, I was looking kinda faded. That arm with the blade, measure wrist, stick or twist. Man, it's your turn, your long one day. Eyes burning in the worst way. Best cut the wordplay. Body on a knife edge, and not for the first time. No one oversaw the punchline. Burning incense to welcome the god's arrival. Operate not with a fear of reprisal. The spores were sizable, your beats were kinda cool. But I couldn't reconcile those lies at all. Speak the word of ELI or I'll make your spinal cruel. He ain't even hit his final form. Or what a bumper. Preparing Ito, she simmer a vegan gumbo. I caught the spirit and started speaking mumbo jumbo. Jezgarisms, you give me words, I might just curse you with them. He's different, master with the light touch. Skip on parchments if I can see my pen harbor silk like Sri Lankans. The top ranking, give you a spanking, I'm anchoring. Terraform the pattern and eradicate the lackeys. Emancipate the alphabet as chassis. Assassinating languages, hard old bread sandwiches and patties. With that bullshit you spit, you're snitching on yourself like Sammy. We came up out the cranny, this style's got no daddy like Annie. Black uni posca in the hour of chaos, eating a repo de huevo with me parceros, slinging arrows like arrows. Shit. C'était j'ai un trou. Fergus Jones. Et ces deux morceaux reflètent peut-être pas l'ambiance de l'album. Puisque l'album, il est quand même plus ambiant et dans l'exploration. Et là, on était plus dans un côté pop. Et... Ouais. Pas pop, mais en tout cas... Mais bon. Ouais, mais du coup, ça illustre bien ton propos dans le sens où il va... Enfin, il touche plusieurs univers en même temps. Exactement, il explore un peu tout. Le premier morceau, je t'ai trouvé qu'il faisait très Björk des années 90. Ouais, y a, cette chanteuse, elle intervient plusieurs fois sur d'autres morceaux. Moi, je vais changer un petit peu l'ordre de ma petite sélection, puisque sinon, j'aurais jamais le temps de vous le passer. Ça fait 3 semaines. Donc, on va enchaîner avec V. V, connu aussi encore sous les noms de Vilnius ou Vidis. Et c'est un peu une figure incontournable de la scène lituanienne depuis à peu près 20 ans. Dans le sens où, en fait, il a cofondé pas mal de, enfin plusieurs labels, plusieurs festivals. Ça a été un curateur, il a été DJ, il a fédéré autour de lui une assez grosse communauté d'artistes pour finir, une communauté d'artistes en tout genre au fil du temps. Et son credo à lui, c'est la New Wave des années 80, fusionnée à la musique électronique des années 2000. Sur son dernier EP, qui s'appelle Voyage Voyage et qui est sorti l'été dernier sur son label Multiculti, il a créé un morceau instrumental très cinématographique qui, moi, m'a beaucoup plu. Et c'est surtout qu'il l'a créé en collaboration avec Dominique Dumont. Et c'est vraiment, vraiment très chouette. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien. C'est dansant. Voilà, ça m'a... Enfin, voilà, j'ai eu envie de vous le partager. Donc, le morceau s'appelle Aventura avec 2V. Et c'est de l'artiste V. Et Dominique Dumont, du coup. c'était les artistes V et Dominique Dumont avec le morceau Aventura. Très très chouette morceau, très dansant et doux aussi en même temps. Voilà. Ta description était parfaite. On sent l'ambiance années 80 et 2000, cinématographie. Tout était dit. On va se quitter avec un groupe qu'on a déjà évoqué, un groupe belge qui s'appelle Echt, E-C-H-T, point d'exclamation. Ouais, très chouette groupe. Très très chouette groupe. Qui a sorti son troisième album, toujours chez Esteban Ultra, troisième album qui s'appelle Boilerism. Et ce groupe, on hésitait à l'écouter tranquillement au casque en disant c'est un peu jazzy tout ça. Ou est-ce que ça s'écoute sur des grandes enceintes de club ? Et bien avec ce troisième album, ils l'ont complètement choisi, c'est ouais, du club. C'est clair. Ça danse, ça va vers l'acide, le drum and bass, le footwork, le UK garage. Ah ouais, mais il y a des pépites, moi je suis fan. Voilà. Pardon, désolé, je t'interromps. Non, c'est vrai, de toute façon, ils ont la reconnaissance de tout le monde, hein, que ce soit par les médias, ils ont fait une tournée internationale, ils sont reconnus par les plus grands DJ comme Jill Peterson. Mais j'ai pas suivi tout ça. Bon, en tout cas, on clôture cette émission avec leur morceau Hyde des Echt. Echt.